Monsieur X avait sa tête des mauvais jours lorsque nous nous sommes vus cette semaine. L'air sombre, l'œil hargneux, le sourcil frémissant. Pourquoi ? Parce que, m'a-t-il dit, à l'occasion d'une rencontre avec d'anciens collègues, il venait de se remémorer une étrange histoire d'espionnage, l'une des plus belles saloperies qu'il lui était donné de connaître dans sa carrière, selon ses propres termes. Alors de quoi s'agit-il ? D'une affaire étonnante étant donné la personnalité de son malheureux héros. Un homme que rien ne destinait à jouer le rôle qu'on lui a attribué malgré lui. Bref, un personnage qui n'avait pas la carrure de l'emploi et qui a été écrasé par ce monstre froid qu'est le monde du renseignement. Il s'appelait Eugène Rousseau. Un brave homme d'adjudant, un sous-officier sans histoire et sans ambition, qui ne connaissait de l'armée que la poussière et la routine des bureaux et vouait à ses supérieurs une admiration sans borne et un respect aveugle. Un bon père de famille, enfin sans doute seulement coupable de trop aimer ses enfants. Et pourtant, c'est ce sexagénaire qui, en 1970, a été condamné par la défunte Cour de sûreté de l'État à 15 ans de réclusion pour espionnage. Une saloperie, a dit Monsieur X. Peut-être. Car derrière ce dossier se profile une autre affaire, une manipulation interne à nos services secrets. Et Monsieur X l'affirme, Eugène Rousseau n'a été qu'un bouc émissaire, la victime d'un impitoyable règlement de compte qui dépassait de loin sa modeste personne. Pour l'instant, je ne fais que ce qui leur plaît. Pour l'instant, je ne fais que ce que bon leur semble. Quand on est nouveau dans le métier, ne vaut pas trop que l'on vous entende. Pour l'instant, le meilleur système pour avancer est celui de la vipère, la salamandre. Du sang froid, du venin, des morsures bien ficelées. Pour chaque jour, avoir de la viande froide à étendre. Pour l'instant, à genoux, j'ai peut-être l'air niais, mais debout, moi, pour l'instant, je tangue. Il me faut encore connaître les ficelles du métier. De quelle façon, de quelle manière, on égorge, on étrangle. Tout ce qui peut sur votre route se trouver, et qui vous supprimer sans que la main ne tremble. Pour l'instant, je ne suis peut-être qu'un laquais, un assistant de l'assemblée, un valet de chambre. Pour l'instant, je taille des. Pour l'instant, j'arrondis les angles. Pour l'instant, je courbe les chines. Pour l'instant, j'en avale ma langue. Pour l'instant, je taille des. Pour l'instant, j'arrondis les angles. Pour l'instant, je courbe les chines. Pour l'instant, j'en avale ma langue. Pour un jour planter son étendard au sommet, chaque bastion, chaque citadelle est bonne à prendre. Guérilla, guerre d'usure ou de tranchée, tous les moyens sont bons pour s'étendre. Pour se les faire, il ne faut surtout pas rêver. Pour se les faire, il ne faut surtout pas être tendre. Juste quelques petites années à patienter. En politique, il faut savoir attendre. De la mairie au ministère à l'Assemblée, c'est un boulot de longue haleine, de longue attente. Pour enfin un jour au beau milieu des mondanités, à leurs bonnes femmes faire les yeux tendres et de leur amour propre, de leur vanité, en quelques mots en faire un tas de cendres. Et du plus lâche, du plus servile, du plus mauvais, j'en ferai mon assistant et peut-être mon gendre. Pour l'instant, je taille des. Pour l'instant, j'arrondis les angles. Pour l'instant, je courbe les chines. Pour l'instant, j'en avale ma langue. Pour l'instant, je taille des. Pour l'instant, j'arrondis les angles. Pour l'instant, je courbe les chines. Pour l'instant, j'en avale ma langue. Pour l'instant, je taille des. Pour l'instant... l'instant j'arrondis les ongles, pour l'instant je courbe l'échine, pour l'instant j'en avale ma langue, pour l'instant je taille des haies, pour l'instant j'arrondis les ongles, pour l'instant je courbe l'échine, pour l'instant j'en avale ma langue. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une précision d'abord, j'ai connu personnellement la plupart des protagonistes de cette histoire. Oui, parce que vous apparteniez encore au service, c'est bien ça? Bien entendu. Ouais. Cette affaire s'est passée il y a plus de 30 ans, je vous le rappelle. D'accord. Alors, par où commence-t-on? En évoquant d'abord la vie de Eugène Rousseau, parce qu'ensuite tout ce que je vais vous raconter va vous paraître effarant, monstrueux. Allons-y, alors, il est originaire d'où ce Rousseau? Il est né au début du siècle, à la campagne, dans le Maine-et-Loire, précisément. Fils de paysan. Hein. Son père est un ouvrier agricole illettré. Famille nombreuse, mère épileptique. Autant vous dire que la vie est dure et que le petit Eugène n'a pas eu une enfance dorée. Mais grâce au dévouement de l'instituteur du village qui s'est attaché à lui, le gamin parvient à obtenir le certificat d'études. Et sa scolarité s'arrête là? Bien sûr. Ses parents ne peuvent pas se permettre de l'entretenir. Dès l'âge de 12 ans, Eugène travaille. D'abord dans une ferme, puis comme apprenti charme. Toujours dans la même région, là. Oui. Il y a quand même une éclaircie dans cette vie harassante, c'est le sport. Rousseau fait de la course à pied et remporte plusieurs compétitions. Ses succès lui permettent même de se faire remarquer et d'enfiler le maillot du prestigieux Racing Club de France. Ah, quand même, hein. Et il va donc à Paris. Et il trouve un emploi de carrossier aux usines Renault. Sa carrière semble donc toute tracée. On peut le penser, oui. Eugène se marie, il n'a pas 20 ans et il consacre chaque dimanche au sport. Mais 6 mois après son mariage, l'armée l'appelle et son existence va en être bouleversée. Et pourquoi, alors expliquez. Rousseau apprécie l'armée et la vie militaire. Il suit un peloton de sous-officiers et au terme de son service, il obtient le grade de sergent. C'est-à-dire qu'il va pouvoir rester dans l'armée? Oui, il y pense très rapidement, d'autant que c'est la crise et que chez Renault on débauche. Alors il rempile, direction le Maroc, il y reste 2 ans, le temps de faire 2 enfants à sa femme. Il y en aura d'autres, 5 ou 6 au total, je ne sais plus. Eh bien. Rousseau, issu d'une nichée nombreuse, va reproduire le schéma familial. Au reste, c'est un père qui est très attaché à ses enfants. Oui, et après le Maroc? Rousseau va pantoufler dans différents bureaux de l'armée, en province et dans la région parisienne, tout en montant en grade naturellement. Jusqu'où il va, alors? Adjudant. Rousseau n'ira pas plus loin. Parce qu'il ne peut pas? Écoutez, je ne vais pas me prononcer sur le potentiel intellectuel d'Eugène Rousseau, j'en serais d'ailleurs bien incapable. Il faut toujours avoir à l'esprit que ce fils de paysan illettré s'est fait tout seul et qu'on ne lui a guère donné la possibilité d'accroître ses capacités. Ensuite, et c'est tout à l'honneur de Rousseau, il n'a cessé de vouloir progresser. Progresser, qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, avant-guerre, alors qu'il est déjà en charge de sa prolifique progéniture, il a le courage d'aller chaque soir suivre des cours d'instruction générale dans un lycée parisien. C'est méritoire, non? Vous l'aimez bien, hein? Mes sentiments n'ont rien à voir là-dedans. Enfin, c'est vrai, je supporte assez mal la caricature qu'on a faite de lui. Celle de l'adjudant un peu borné. Oui, enfin, ça, c'est un peu facile. Rousseau n'était certes pas un foudre de guerre, mais c'était pas un imbécile. Ah ben, voilà qui est dit. Il le fallait, oui. Alors, la guerre arrive. Et Rousseau, miraculeusement, passe à travers les gouttes. Ce qui signifie? Quand l'armistice honteux de 1940 est accepté par Pétain. Ah, toujours votre vieille haine. Oui, enfin, passons. Donc, à l'heure de l'armistice de juin 40, l'adjudant Rousseau s'est échoué à Royan. Et il n'a pas encore tiré un seul coup de feu. Mais il est trop tard pour espérer le faire, hein, à moins de rejoindre la résistance. Mais ne l'oubliez pas, Rousseau a une nombreuse famille à nourrir. Et puis franchement, ce n'est pas le genre. Ce sous-officier tranquille a appris à obéir, pas à désobéir. Ouais. Il sait pas dire non, quoi. Alors, que fait-il? Il est mis en congé de l'armée. Et dans un premier temps, il retourne chez lui, dans le Maine-et-Loire, où il reprend son métier de charron. Toutefois, il ne gagne pas assez et il revient dans la région parisienne où il trouve une place de commis à l'Institut de la Statistique. Ah bah, il renoue avec la paperasserie. Oui, il y a incontestablement du rond de cuir chez cet homme-là. Mais un drame va bouleverser l'existence de la famille Rousseau. La femme de Jeune meurt subitement. Il se retrouve tout seul pour élever ses enfants. Et la seule solution, c'est à nouveau le retour au pays natal où il place les enfants chez différents parents, en attendant. Et en attendant quoi? La fin de la guerre. Lorsque l'Anjou est libéré, Rousseau se précipite sur le premier officier français qu'il rencontre. Que veut-il? Adjudant en congé d'armistice, il est prêt à reprendre immédiatement du service et c'est ce qui va se passer. Parce qu'on l'enrôle, effectivement. Oui, et il est nommé au bureau de la sécurité militaire d'Angers. Quelques mois plus tard, il est affecté à Paris, une affectation qui va décider de son destin. De son destin? Pourquoi? Parce qu'on le mute à la DGER. Ah, c'est les services secrets, ça. Oui, cette DGER qui est elle-même issue du fameux BCRA du colonel Passy et qui va bientôt prendre le nom de SDEC. Et pourtant, étant donné son pédigré, Rousseau n'a aucune compétence particulière en matière de renseignement. Aucune, c'est vrai. Mais les temps sont ainsi, il faut tout reconstruire et on recrute au petit bonheur la chance. Et d'ailleurs, Rousseau occupe dans les services un emploi tout à fait subalterne. Quoi alors ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est commis, c'est-à-dire qu'une nouvelle fois, il se contente de faire les travaux d'écriture. Mais décidément... Oui, en tout cas, ce modeste emploi lui permet de faire vivre ses enfants. Des enfants qu'il fait tous revenir à Paris. Les plus grands ne vont d'ailleurs pas tarder à voler de leurs propres ailes. Voilà, la vie s'éclaircit donc pour Rousseau, hein, c'est enfin. Juste. Et plus tard, il va aussi se remarier. Mais alors... Alors, son travail au SDEC, quand même ? Toujours aussi routinier. L'adjudant se rend chaque matin à la caserne des Tourelles. Ouais, c'est la caserne qu'on appelle la piscine. La piscine, oui, comme on va l'appeler désormais le siège de nos services secrets. Donc, il s'y rend chaque jour, comme n'importe quel employé de bureau à son administration, et Rousseau, j'en suis sûr, pense déjà à la retraite. Et il a alors quel âge ? Au milieu des années 50, il approche lui aussi de la cinquantaine. Et c'est justement à ce moment-là qu'on le désigne pour un poste à l'étranger. Où ? À Belgrade. Dans un pays socialiste, donc ? Bien sûr. Et Rousseau, logiquement, considère cette nomination à l'étranger dans un pays sensible comme une promotion. Mais que va-t-il faire là-bas ? Officiellement, il sera le secrétaire de l'attaché militaire adjoint à l'ambassade de France. C'est une couverture, ça. Bien sûr, seulement notre brave adjudant a un problème. Quel problème ? Sa plus jeune fille, Monique. Elle a 16 ans, elle est jolie, plutôt délurée, et déjà cette coquette ne laisse pas les hommes indifférents. Ouais, par conséquent, Rousseau a peur de la laisser derrière lui. Exactement. L'adjudant a des principes. Il n'est pas question pour lui de l'abandonner à Paris où elle risque de se laisser aller à quelque imprudence. Alors Eugène Rousseau prend sur lui d'aller voir son supérieur et lui demande la permission d'emmener sa fille avec lui à Belgrade. Mieux, il propose que Monique soit engagée par le service. D'accord, mais enfin, engagée pour quel emploi ? Secrétaire dactylo contractuel. Et on l'engage ? Oui, aussi étonnant que cela paraisse et sans même se poser de questions sur les réelles capacités de la demoiselle. Ouais. Et pourquoi ? Enfin, moi aussi, hein. Enfin, ça vous paraît aussi étonnant, cet engagement ? Ben d'abord à cause de la jeunesse de cette fille, 16 ans, je vous le rappelle. Et puis on ne l'envoie pas n'importe oui, où. Oui, je sais, dans un pays socialiste. Oui, alors elle va travailler pour un service secret notoirement hostile à ce pays. Et puis il y a la personnalité de cette jeune fille. Délurée, avez-vous dit. Hein. Et coquette. Ouais, c'est-à-dire susceptible de se faire séduire par un agent ennemi ? Bien entendu. Oui, mais enfin, il y a papa à côté d'elle. Hein. D'accord, mais enfin, ordinairement, quand on envoie un collaborateur d'un service secret à l'étranger... On procède à un minutieux examen de son comportement, on l'étudie, on le soumet à d'innombrables interrogatoires. Or là, rien. Rien du tout. Oui, et pire, dès son arrivée à l'ambassade de France à Belgrade, on va permettre à cette jeune fille inexpérimentée d'avoir accès au dossier du service, et même, entendez bien, de connaître la combinaison du coffre. C'est tout simplement extravagant. Driving in the Terre. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. L'écrivain Gilles Perrault a consacré un livre essentiel à l'affaire Rousseau et j'y reviendrai plus tard. Ouvrage qui s'appelle L'erreur et publié chez Fayard. J'en extrais provisoirement ce portrait d'Eugène Rousseau. Rousseau n'appartient pas à la caste militaire. Le style officier lui est étranger. Impossible de lui appliquer, à peine de fou rire incoercible, la fameuse maxime allemande « L'espionnage est un métier de seigneur ». Sa femme l'appelle Gégène et ses enfants « Pépère ». Voilà pour le moral. Quant au physique, il échappe à la banalité par la circonférence du crâne vraiment inattendu. Une tête énorme. Lorsque Rousseau est rentré d'Algérie et qu'il a voulu protéger son chef des frimas parisiens, il a écumé Bagnolet et les Lilas sans trouver une seule casquette satisfaisant à son ampleur. Ce détail aura son intérêt. On note, occupant le vaste terrain ainsi circonscrit, des cheveux blancs commençant de se clairsemer, un nez important, deux yeux noirs, une bouche minuscule, simple ligne de démarcation entre le considérable tarin et un menton avorté d'une mollesse de double menton. Au total, une physionomie bonhomme comme on en trouve dans les dessins de Bellus. Voilà donc le personnage qui va se trouver au centre d'une affaire d'espionnage qui le verra finalement condamné à 15 ans de réclusion. L'histoire de l'engagement de Monique Rousseau est ahurissante, prétendez-vous, mais au niveau de ceux qui l'ont engagé, s'agit-il d'incompétence ou de légèreté? Ou alors y a-t-il autre chose? Honnêtement, je ne sais pas. Mais en admettant qu'il s'agisse d'autre chose, comme vous dites, c'est-à-dire d'une action délibérée, il aurait fallu que les responsables de cet engagement aient imaginé un plan à très long terme. Car c'est seulement en 1969 que l'affaire Rousseau éclatera. Mais justement, alors en quelle année exactement Rousseau, père et fille, arrive à Belgrade? En 1956. Ah oui, de longues années avant. Et vous m'avez dit que Monique était dactylo, c'est oui, ça? Oui, elle tape essentiellement le courrier de son père. Et lui, que fait-il? Essentiellement du travail de bureau. C'est-à-dire comme d'habitude, quoi. Oui. Mais de temps en temps, son chef, c'est-à-dire le responsable de l'antenne du SDEC à Belgrade, lui confie quelques petits travaux sur le terrain. Ah, quoi en particulier? Eh bien, l'adjudant Rousseau, par exemple, se rend régulièrement à la gare de Belgrade. Et qui fait-il, là? Il s'intéresse aux colis militaires et relève les numéros des secteurs postaux qui y figurent. Ça sert à quoi, ça? En principe, à localiser les unités de l'armée yougoslave. Et c'est vraiment très utile? Je vous laisse seul juge. Et aucune autre activité extérieure Au cours d'une autre mission, l'adjudant Rousseau photographie des navires soviétiques qui font escale dans un port du pays. Ouais, donc rien de vraiment important. À l'évidence, oui. Et ces activités clandestines, sont-elles connues des Yougoslaves? Naturellement. Les services secrets n'ignorent rien de la fonction réelle de Rousseau. Et comme les autres membres de l'ambassade, il est filé dès qu'il quitte le bâtiment. C'est tellement vrai qu'un jour, un agent yougoslave lui conseillera fermement de renoncer à ses visites régulières à la gare de Belgrade. Ouais, bref, Rousseau, c'est pas l'agence des 007, hein. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Et Monique, pendant ce temps-là? Monique, parlons-en, parce que, comme vous vous en doutez, c'est elle qui va être à l'origine de toute l'affaire. Alors exactement, de quelle façon? Une précision d'abord. Ce que je vais vous raconter maintenant procède en grande partie des aveux mêmes de la jeune femme. des aveux recueillis d'abord par leur FBI en présence d'agents du SDEC. Le FBI, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette histoire, les Américains? Parce que Monique est partie vivre aux États-Unis. Ah oui. Et à quelle date, les aveux de Monique, là? En 1968, je crois. Et c'est très important. Mais pourquoi? Parce qu'à cette date, les faits reprochés à Monique, qui était en outre mineure lors de son séjour à Belgrade, sont prescrits. Ouais, donc en avouant, elle risque rien. C'est cela. Ces aveux peuvent être considérés comme sincères? Oui. Encore qu'à mon avis, ils ont été quelque peu arrangés. Arrangés par qui, alors? Par les agents du SDEC. La trame est relativement exacte, mais certains détails me paraissent un petit peu suspects. L'histoire de l'avortement, par exemple. Enfin, n'allons pas trop vite. Attendez, si je vous écoute, moi. Un soir de 1957, Eugène Rousseau emmène sa fille dîner dans un restaurant de Belgrade. Comme dans beaucoup de restaurants des pays de l'Est, il y a un orchestre. Malheureusement. Et un chanteur qui n'est pas vilain garçon. Alors que l'orchestre joue un morceau uniquement instrumental, ce chanteur, un certain Mika, descend de l'estrade et se présente à la table des Rousseau et demande la permission d'inviter la jeune Monique à danser. Et le père, là, si sourcilleux dès qu'il s'agit de la vertu de sa fille, il accepte? Oui, il veille de loin sur le couple et bientôt Mika accompagne la jeune fille à la table paternelle. Mais ce que Rousseau ne peut pas savoir, c'est que le Yougoslave a profité de ses quelques pas de danse pour obtenir un rendez-vous, Monique. Il est allé très vite, celui-là, hein? Il savait y faire, oui. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'avait choisi. Mais qui l'avait choisi? L'UDBA, les services yougoslaves, naturellement. Et la jeune Monique, alors, tombe aussi facilement dans le piège? Oui, et le premier rendez-vous est suivi de beaucoup d'autres. Et tout ça malgré la surveillance de Eugène Rousseau, j'imagine. Eh oui, que voulez-vous, l'adjudant ne peut pas être en permanence derrière les jupes de sa fille. Et puis la petite doit mentir adorablement. Quoi qu'il en soit, elle se débrouille pour voir très souvent le beau Mika. Mais... jusqu'où ça va? Coucheter l'ensemble, voulez-vous dire? Oui. Pendant un temps, Monique résiste, mais un jour, on lui téléphone. Mika est malade, il est alité chez lui. Aussitôt, Monique se précipite et à force de s'approcher de la couche du soi-disant malade... Ça alite. Exactement. Et comme dans les plus mauvais mélos, quelques semaines plus tard, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Ouais. Mais c'est là que vous avez des doutes, hein? Oui, ouais. Enfin, poursuivons. Le problème de Monique, enfin, si elle est réellement enceinte, hein, c'est comment avouer à son adjudant de père. Oui, hein? Difficile, n'est-ce pas? Mais heureusement, des amis de Mika vont lui venir en aide. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper de la faire avorter. Oui, et on fera croire au brave Rousseau que Monique a eu un petit ennui de santé qui nécessite un court séjour en clinique. Quand même pas très perspicace, l'adjudant. Hein? Peut-être, mais enfin, il aime sa fille et il est comme certains maris trompés qui sont les derniers à découvrir leur infortune. Oui, Monique avorte. Et après? Après? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, c'est le chantage qui commence. Les services yougoslaves affirment détenir des documents accablants et ignobles. Quoi? Ils ont pris des photos. Mika et Monique faisant l'amour. Et même, prétendent-ils, des photos de l'avortement de la jeune fille. C'est en effet ignoble. Hein? Mais dans les services, seule la fin importe. Et la fin, c'est donc de contraindre la jeune fille à travailler pour les services yougoslaves? Bien sûr. Et elle accepte tout de suite? À la vérité, non. Il faut la menacer physiquement, lui faire craindre le pire pour son père. Alors, enfin, elle cède. Elle est coincée. Complètement, c'est ça. Et n'oubliez pas son jeune âge. Ouais. Mais que lui demandent exactement les agents yougoslaves? Pour commencer, il lui demande de leur communiquer une copie de tous les documents qu'elle voit passer. Ouais, le courrier de son père, bon, enfin, ça doit pas aller très loin. C'est hein. Juste. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Monique a accès au coffre de l'ambassade. Par conséquent, elle peut se procurer les documents les plus secrets de l'ambassade. Et en particulier, le chiffre. Et tout ça va atterrir dans les mains des services de Belgrade? Oui. Joli butin, hein? N'est-ce pas? Et Monique ne se fait jamais prendre? Non. Jusqu'au départ des Rousseau de Belgrade en 1959. Enfin, j'imagine que Monique, malgré son départ de Yougoslavie, ne va pas être quitte pour autant. C'est exact. Mais dès son retour à Paris, elle rompt tous les contacts avec les services yougoslaves. Son contrat avec le SDEC a pris fin. Et d'ailleurs, bientôt, elle part pour les États-Unis avec son futur époux, un jeune homme qui n'occupe aucune fonction qui puisse intéresser un service de renseignement. Par conséquent, Monique n'a plus d'utilité pour les Yougoslaves. Non. Alors reste son père, Eugène Rousseau. Oui, Rousseau qui, lui, continue à travailler pour le SDEC. Que fait-il après Belgrade? Il travaille quelque temps à la piscine. À Paris, donc. Oui. Puis il est affecté au poste de Bucarest. Encore un pays communiste. Oui, où les services secrets, la fameuse Securitate, sont très actifs. Puis va en Algérie, sous la couverture de vice-consul. Et en 1968, il revient à Paris, où on le nomme rédacteur consultant à la section Moyen-Orient. Il y est chargé de l'Irak. C'est d'autant plus pittoresque que Rousseau ne connaît à peu près rien de ce pays. Vous donnez décidément une image assez peu édifiante de nos services. C'est vrai, mais c'est la vérité, je n'y peux rien. Ouais. En tout cas, plus de 10 ans se sont donc écoulés depuis que la jeune Monique a été recrutée par les Yougoslaves. Tout à fait. C'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ces mêmes Yougoslaves, enfin, avec l'appui peut-être de la Securitate roumaine, aient pu faire chanter Rousseau en menaçant de rendre publiques les photos de sa fille qu'il possède? C'est en effet la question. Une question qui va peser terriblement lourd dans le dossier d'accusation de ce malheureux Eugène Rousseau. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant d'aborder avec Monsieur X le fond de cette affaire, revenons encore une fois sur le livre plaidoyer de Gilles Perrault, L'erreur. Le 15 mai 1971, Jean Planchet, spécialiste des questions militaires au journal Le Monde, rend compte de la parution de l'ouvrage de Perrault et il écrit: qu'il y ait eu dans la carrière de Rousseau dans l'espionnage une série de circonstances ahurissantes est, d'après ce qu'en écrit l'auteur, indéniable. La première est que l'on laisse partir un poste subalterne mais de confiance à l'étranger un père affligé d'une fille aussi visiblement vulnérable. Mais il y en est bien d'autres. Gilles Perrault trace des services spéciaux français un tableau courtelinesque. On y entre comme dans un moulin et on en sort de même. On enquête qu'avec des mois ou des années de retard sur des faits dont on aurait eu connaissance. Et pour finir, on s'acharne, mais dans quel but, à faire condamner un bureaucrate proche de la retraite, après l'avoir, comble de l'ironie, chargé de fonctions extrêmement délicates. Rousseau, déjà soupçonné, sera en effet nommé à la centrale de Paris, rédacteur exploitant à la section Moyen-Orient et chargé de l'Irak, dont il ignore absolument tout. Alors Rousseau, lui aussi, a-t-il cédé au chantage et trahi? Pour protéger sa fille, n'est-ce pas? Bien sûr, oui. Vous voulez que je vous fasse part de mon intime conviction? Naturellement. Eh bien, je pense que non. Mais pourtant, il a été accusé, condamné. Je sais. Mais je vous fais remarquer qu'il a très vite bénéficié d'une grâce présidentielle. Oui, mais une grâce, ça n'innocente pas pour autant. Vous avez raison. Alors, reprenons le fil des événements. En 1968, vous ai-je dit, des policiers du FBI, accompagnés d'agents du SDEC, recueillent les aveux de Monique aux États-Unis. Mais pourquoi sont-ils allés voir la jeune fille là-bas? Sur la foi de déclaration d'un transfuge yougoslave. C'est en tout cas ce que prétendront les enquêteurs. Malheureusement, ce transfuge ne témoignera jamais devant la justice. Ouais, vous laissez entendre qu'il n'a peut-être pas existé. Non. Je crois que ce personnage a réellement existé. Mais on a peut-être tronqué ou maquillé son témoignage. Quoi qu'il en soit, les agents français reviennent à Paris avec les aveux de Monique. Même si, je vous l'ai dit, ils ont sans doute été un peu arrangés. Ouais, cette histoire de l'avortement. Oui. Ouais. Et ensuite, alors? Eh bien, pendant de longs mois, il ne se passe rien. Mais attendez, avant de poursuivre. Est-ce que Monique, dans ses déclarations, laisse entendre que son père, pour la protéger, aurait travaillé pour les services yougoslaves? À aucun moment. Bien au contraire. Monique disculpe complètement Eugène Rousseau. Son père, selon elle, n'a jamais rien su de sa liaison avec Mika. En conséquence, il n'a pas eu besoin de la protéger. Alors, bon, d'accord. Reprenons. Après les révélations de Monique, que se passe-t-il? Rousseau, bien sûr, est considéré comme suspect. On l'interroge? Non, pas tout de suite. On le surveille alors, c'est cela. Ouais. Mais Rousseau ne donne prise à aucun soupçon. On ne met en évidence aucun contact éventuel avec des agents de l'Est. Et pourtant, finalement, en 1969, on se décide de l'interroger. Ça a duré quand même. Mais ça se passe où? Au SDEC, naturellement. Et c'est le service de sécurité dirigé par le capitaine Camus qui s'occupe de l'affaire. Comment on va procéder cet officier, là? Il commence par faire entendre à l'adjudant une partie des aveux de sa fille. Des aveux enregistrés? Oui. Ouais. Et comment réagit Rousseau? Ben, mettez-vous à sa place. Il est effondré. Comment sa fille qu'il aime tellement a-t-elle pu? C'est inimaginable, atroce. Rousseau est donc absolument déstabilisé. Oui, d'autant que l'officier du SDEC évoque les photos qui auraient été prises par les agents yougoslaves. Des photos qu'il prétend détenir. C'est faux? Bien sûr. Mais le capitaine connaît son homme et il dit à Rousseau « Tu sais, c'est pas beau ces photos, tu veux vraiment les voir ?» Et naturellement, Rousseau refuse. C'est évident. Et Camus le sait. Quel père accepterait de voir de telles photos de sa fille? Et c'est ainsi, habilement, machiavéliquement, jouant sur le désarroi de Rousseau, que le capitaine finit par lui faire admettre qu'il a lui aussi collaboré avec les Yougoslaves. Rousseau avoue donc? Oui, il avoue. Et pourtant, d'après vous, il ment? J'en suis sûr. Alors comment expliquer quand même ses aveux? Le désarroi ne suffit pas. C'est juste. Mais il faut tenir compte d'un élément psychologique très important. Celui des rapports que l'adjudant Rousseau entretient avec l'armée en général et le SDEC en particulier. Des rapports de confiance, des rapports presque filiaux. Le service, c'est toute sa vie. Et si un officier qu'il respecte, et qu'il connaît d'ailleurs fort bien, lui demande d'avouer, il ne peut pas refuser. C'est quand même incroyable. Oh, pas tant que ça, non. Eugène est un homme simple, fidèle. Et ses interrogatoires, curieusement, se passent dans un climat de confiance. On permet par exemple à Rousseau de rentrer chez lui entre deux séances. Et l'adjudant doit se dire que l'affaire n'est pas si grave que cela. Après tout, si ça peut être utile à ses chefs, pourquoi ne pas leur avouer ce qu'ils veulent entendre? À cet instant, Rousseau n'a donc pas l'impression qu'il risque d'être condamné. Ça, j'en suis persuadé. En outre, on lui dit que les faits s'étant passés il y a plus de 10 ans sont prescrits. Ouais, donc au pire, Rousseau, qui a alors plus de 60 ans, hein, mm-hmm. faut s'imaginer qu'on va le mettre à la retraite anticipée. C'est ça, oui. Mm-hmm. Alors il signe les aveux qu'on lui propose. Mais en signant, lui aussi, comme sa fille, tombe dans le piège. Pourquoi? Parce que cette affaire d'intelligence avec l'ennemi ne peut pas demeurer interne au SDEC. La justice doit s'en mêler. La justice met d'abord la surveillance du territoire, la DST. C'est-à-dire le contre-espionnage. Bien sûr, et Rousseau, qui ne s'y attend certainement pas, est livré aux policiers de la DST. Et là, il ne se trouve plus dans le monde familier de l'armée. Oui. Les flics de la DST sont des professionnels et des types sérieux. Et Rousseau commence à prendre conscience du traquenard qui lui a été tendu. Résultat, dès les premiers interrogatoires, il revient sur les aveux qu'il a passés au SDEC. Conséquence, hein? Bah, écoutez, je n'ai pas assisté à ces interrogatoires, mais je pense que les types de la DST, que je connaissais bien, ont dû commencer à avoir des doutes. Ils en avertissent la sécurité du SDEC et aussitôt, le capitaine Camus accourt. Il obtient d'avoir un entretien seul à seul avec Rousseau. Et quand les policiers de la DST reviennent dans le bureau, l'adjudant est en larmes et il avoue à nouveau. Ouais. Vous voulez dire que le capitaine a fait pression sur lui, là, pendant cet intermède? Écoutez, je vous laisse seul juge. Mais ce qui est capital, c'est qu'après cet entretien, non seulement Rousseau reconnaît avoir été recruté par les Yougoslaves, mais il affirme avoir travaillé ensuite pour un autre service de l'Est. Ouais, les Roumains, certainement, oui. Ouais. Ouais. La prescription, alors, ne peut donc plus jouer, c'est ça? Non, mais il y a plus grave. Je vous écoute, alors. Rousseau finit par mettre en cause l'un de ses supérieurs, le colonel Beaumont. Lui aussi, affirme-t-il, travaillait pour les Yougoslaves. Mais est-ce qu'il apporte des preuves? Non. Mais vous remarquerez que dans cette affaire, il n'y a pas de preuves. Seulement des aveux. Des aveux sur lesquels Rousseau ne va pas tarder à revenir. Dès que la DST en a fini avec lui, lorsque l'adjudant Rousseau est présenté à un juge d'instruction de la Cour de Sûreté de l'État, il se récuse et il proclame son innocence. Et jusqu'au bout, il ne variera pas. Mais il est quand même, malgré tout, condamné. Oui, et très sévèrement. Injustement, pensez-vous? Oui. Car dans cette affaire tortueuse, Rousseau n'est qu'un pion, un bouc émissaire. Celui qui est visé, c'est l'homme dont Rousseau a prononcé le nom, Beaumont. Le colonel Beaumont? Oui. Ouais. Et qui est-ce? C'est un des officiers les plus importants du SDEC, le directeur de la recherche, le numéro 2. Et d'aucuns veulent sa peau. Et d'aucuns... D'autres officiers du SDEC, par exemple, mais enfin pas seulement. Mais pourquoi? Beaumont est soupçonné d'avoir eu des liens avec l'Est. Les Américains, en particulier, ont propagé l'accusation. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une raison sérieuse derrière? Oui et non. Précisez quand même. Beaumont a appartenu au cabinet du ministre communiste Charles Tillon. Ouais. Après-guerre. Oui. Ouais. Et ensuite, au SDEC, il a été responsable d'une opération qui consistait à parachuter des émigrés derrière le rideau de fer. Or, la plupart de ces hommes ont été capturés. Et de là à penser qu'ils ont été trahis. Voilà. Mmh. Et à votre avis? Je n'en sais trop rien. Beaumont était un grand bonhomme et il gênait. C'est pour ça qu'on a monté contre lui cette minable affaire Rousseau. Parce qu'il va effectivement, lui aussi, en subir le contre-coup? Bien sûr. En 1970, il va faire partie de la grande purge qui va intervenir au SDEC et qui va déstabiliser le service pour longtemps. Mmh. Alors, au-delà de Rousseau, de Beaumont, c'était peut-être le SDEC, enfin le service lui-même qui était visé? Pourquoi pas. Mais je vous le promets, nous en reparlerons. Dans un livre récent paru chez Flammarion, DST, police secrète, deux auteurs, Pascal Krop et Roger Falliot, rejoignent M. X, je les cite. Aujourd'hui que Jeanne Rousseau n'est plus, des spécialistes estiment qu'il avait été un bouc émissaire utilisé pour provoquer un séisme au sein du SDEC et atteindre notamment son numéro 2 de l'époque, le colonel Beaumont, ciblé par les Américains, et lui-même suspecté d'avoir travaillé pour les Yougoslaves à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Si l'on en croit le transfuge serbe Bosko Simic, qui a été à l'origine de l'enquête diligentée contre Rousseau, ce n'est pas ce dernier qui a été visé par ces révélations, mais une autre personne du SDEC en poste à l'Est. L'erreur, si erreur il y a eu, a sans doute tenu à ce que l'enquête DST ait été phagocytée par celle du capitaine Camus à la sécurité interne du SDEC et qui avait d'autres objectifs dans cette affaire. Et puis, je vous rappelle le titre du livre de Gilles Perrault, L'erreur, paru chez Fayard. À samedi prochain, et je vous rappelle notre site internet www.franceinter.com. Chérie, tu crois pas que tu as mis trop de boules sur le sapin, là ? Bah non, non, pourquoi ? J'en ai mis 50. Et les guirlandes, il y en a beaucoup, non ? Non, 50. Oui, et les bougies, c'est pas trop ? Non, bouf, 50. Et... Non, 50, regarde. Samedi 23 décembre, super cagnotte du loto de 50 millions de francs. Le loto est un... jeu ? De la Française des... jeux. Une trentaine de photographes de renommée.